dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. En avril dernier, à la une des journaux du monde entier, une photo. Celle d'un monstre cosmique au centre de la galaxie M87, à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. La première photo d'un trou noir. Pour l'astrophysicien Aurélien Barraud, mieux connaître les trous noirs ouvre peut-être une nouvelle fenêtre sur la gravitation quantique. Aurélien Barraud est un grand spécialiste des astroparticules, de la relativité générale et des trous noirs. Il pratique l'observation avec les plus puissants télescopes, mais il est aussi théoricien. Il est l'auteur, entre autres, de « Trous noirs et étoiles en rebond » paru chez Bayard Éditions. Aurélien Barraud travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS à Grenoble et il est professeur à l'université Joseph Fourier. Dans le petit monde de l'astrophysique, son nom est devenu incontournable. Les trous noirs sont des objets dont il ne faut, pour Aurélien Barraud, vraiment ne pas avoir peur. Les aventuriers sur France Inter. Les trous noirs, ce sont certainement les objets les plus étranges, les plus fascinants, peut-être aussi les plus fantasmatiques de la physique. Et pourtant, paradoxalement peut-être, ils sont assez simples à comprendre. Ce sont simplement des petites boules d'espace, en quelque sorte, au sein desquelles il est possible d'entrer, mais desquelles il est impossible de s'extraire. Autrement dit, la définition d'un trou noir, c'est une zone dont on ne peut jamais ressortir. Vous avez l'air de dire que c'est simple, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment des trous noirs ? Oui, c'est simple parce qu'ils furent inventés non pas par Albert Einstein, comme on le croit souvent, mais au XVIIIe siècle, par Pierre Simon de Laplace et John Mitchell, en se fondant sur des concepts physiques assez élémentaires. Parce qu'on comprend bien que si on compacte un astre, si on le rend de plus en plus dense, il est de plus en plus difficile de s'en échapper. Et par conséquent, il y a une densité limite au-delà de laquelle même la lumière ne peut plus s'échapper, et comme on ne peut pas aller plus vite que la lumière, rien ne peut s'en extraire. Et donc, on sent bien que la définition conceptuelle d'un trou noir est quelque chose d'assez élémentaire qui est connu depuis quelques siècles. Mais ce qui est nouveau, bien sûr, c'est qu'on sait maintenant qu'ils existent réellement, qu'ils ne sont pas qu'une élucubration ou un fantasme théorique. Et ça, bien sûr, c'est une magnifique découverte. Aurélien Barraud, on les connaît depuis quelques siècles, mais on n'en parle pas depuis si longtemps. Oui, je dirais que ça fait quelques décennies que les trous noirs font partie du bestiaire de l'astrophysicien, c'est-à-dire que ce sont des objets usuels. On estime qu'il y a vraisemblablement entre 100 et 200 millions de trous noirs au sein de notre seule galaxie, c'est-à-dire notre petit îlot d'univers, hein, notre environnement direct. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'ils ne sont pas dangereux, ils font partie de l'ensemble de ces objets qui structurent l'espace-temps et qui peuplent notre environnement, mais en effet, on a de plus dans l'actualité récente cette magnifique première image, photographie pourrait-on dire, d'un trou noir. Et ça, c'est aussi intéressant qu'émouvant, pourrait-on dire. 25 novembre 1973, France Inter. Un laboratoire spatial de la NASA, Pierre-Alain, vient de permettre une formidable découverte. Il y a dans l'espace, à 8000 années-lumière de la Terre, des corps célestes invisibles que l'on appelle les trous noirs. Les trous noirs ont été formés par l'amalgame de plusieurs étoiles qui se sont heurtées. Selon un rapport rédigé par une équipe de savants anglais et américains, la densité de ces corps célestes est telle qu'une seule cuillerée de leur matière pèse des milliards de tonnes. Les trous noirs dégagent tellement d'énergie que tout objet évoluant à leur proximité serait irrémédiablement aspiré. Les rayons X qu'ils émettent représentent 1 million de fois plus d'énergie que celle du Soleil. Mais on ne voit pas briller les trous noirs, leur matière est si dense que la lumière qu'ils dégagent ne peut s'en échapper. Si vous voulez, c'est un peu comme si une ampoule électrique était enfermée dans une boule d'acier. Est-ce que c'est une bonne définition ? Est-ce qu'on a évolué depuis 1973 ? Ah, c'est assez amusant à entendre. 1973, c'est l'année de ma naissance, et je crois qu'il y a quand même quelques incorrections. En effet, ils sont ici présentés comme résultant de la collision d'étoiles. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt l'implosion des étoiles très massives qui, à la fin de leur vie, vont spontanément créer des trous noirs, et ensuite, ces trous noirs vont se regrouper les uns les autres au centre des galaxies pour former ce qu'on appelle ces trous noirs supermassifs, ces trous noirs géants qui pèsent des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Mais dans ce cas-là, et contrairement à la deuxième assertion long de cette archive, la densité n'est pas forcément énorme. En réalité, pour un trou noir extrêmement massif, la densité peut être plus faible que celle de l'eau, elle peut même atteindre celle de l'air. Donc il faut se départir de cette image d'Épinal. Et enfin, cette image de l'émission très intense des trous noirs est, je dirais, à moitié vraie. C'est-à-dire que l'environnement des trous noirs peut effectivement émettre des quantités intenses de rayons X, mais les trous noirs eux-mêmes en tant que tels n'émettent rien. Ce sont des objets extraordinairement sombres et extraordinairement froids. Dans quelques milliards d'années, le Soleil va s'éteindre. Est-ce qu'il va devenir un trou noir ? Alors, notre beau Soleil n'est pas assez massif pour devenir un trou noir. Il va sans doute devenir ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire un résidu d'étoile morte. S'il était un peu plus lourd, il pourrait devenir une étoile à neutrons, qui est un objet extrêmement compact, de la densité se compte en millions ou milliards de tonnes par centimètre cube. Mais pour devenir un trou noir, il faudrait qu'il soit encore plus massif. Et ça, c'est l'apanage quand même d'un petit pourcentage des étoiles présentes dans notre galaxie. Au mois d'avril, une photo a fait le tour du monde. C'était la première photo d'un trou noir. En quoi cette photo est exceptionnelle ? Eh bien, je dirais d'abord que cette photographie est exceptionnelle techniquement. Parce que vous savez, pour obtenir une bonne résolution, il faut un grand objectif. On le sait en photographie, on le sait en astronomie. Et si on calcule la taille de l'objectif qui était nécessaire pour faire une photographie de ce trou noir, on trouve que c'est à peu près la taille de la Terre. Alors bien sûr, chaque être humain normalement se constitué se dit que c'est donc impossible. On ne va évidemment pas construire un télescope qui a la taille de la Terre. Nos plus grands télescopes font environ 10 mètres de diamètre aujourd'hui, donc on est très loin du compte. Mais on a inventé une magnifique technique qui s'appelle l'interférométrie. Et cette technique, elle permet de combiner les images de différents radiotélescopes. Et c'est exactement ce qui a été mis en œuvre ici. On a simulé en quelque sorte un radiotélescope géant en regroupant les signaux mesurés par différents petits radiotélescopes. Donc déjà au niveau, je dirais, de la faisabilité observationnelle et expérimentale, c'est un tour de force qui est absolument remarquable. Et puis ensuite, l'image elle-même, elle est émouvante. À ce stade, je ne peux pas dire qu'elle révolutionne la physique des trous noirs, puisqu'elle correspond finalement en tout point à ce qui avait été prédit. Donc elle n'est pas stricto sensu une découverte scientifique majeure. Mais entre savoir, entre comprendre et observer, il y a quand même un pas. Ce pas vient d'être franchi, et ça, c'est évidemment une belle nouvelle. Quand vous avez vu cette photo, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je crois que là, on touche un peu à l'intime. C'est-à-dire que vous savez, en science, si on veut deviner ce qui se passe au voisinage d'un trou noir, il faut mieux des équations qu'une photographie. Moi, si on me donne la métrique, je peux faire des calculs et je peux savoir très exactement ce qui adviendrait pour un objet qui se trouverait prisonnier de ce trou noir. Mais ça, c'est la prédiction théorique. Le fait d'observer, ça change un peu le registre. D'un seul coup, quelque chose se donne à sentir, l'émotion peut s'inviter, une certaine forme aussi presque de perception sensorielle. Donc à ce stade, ce n'est pas encore un outil scientifique majeur, mais ça ouvre également cette voie. C'est-à-dire que maintenant, au-delà de la photographie, de la découverte, on va pouvoir faire des images permettant de séquencer temporellement ce qui advient autour de ce trou noir, c'est déjà d'ailleurs un peu à l'œuvre, et ça permettra de mieux comprendre les phénomènes d'accrétion, c'est-à-dire de plongeons de la matière autour de trous noirs et peut-être même de tester des théories novatrices. Donc c'est très beau parce que là on voit que des concepts théoriques qui étaient, je dirais, en flirt avec la métaphysique sont en train de pénétrer de plein pied dans le champ des sciences expérimentales et ça évidemment c'est une très belle évolution. Cette photo c'est une prouesse technologique mais scientifiquement vous dites que finalement ça n'apprend pas grand chose aux chercheurs comme vous ? À ce stade, c'est une confirmation. Donc la confirmation est, par définition, non révolutionnaire. Mais bien évidemment, d'autres images vont venir maintenant que la technologie est éprouvée et qu'elle a fait la preuve de sa viabilité. Et un peu comme la découverte des ondes gravitationnelles il y a quelques années, très rapidement, depuis, à partir, je dirais, du geste fondateur, de la première découverte qui a été une corroboration de ce que l'on savait, les mesures à venir ont permis d'être beaucoup plus fins et de tester un certain nombre de théories et de mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses. Et il n'y a aucun doute que ce type de méthode permettra dans un futur proche d'en savoir beaucoup plus sur notre environnement. Il vaut mieux être astrophysicien en 2019 qu'en 1950. Ah, ça, je suis pas sûr. Il y a eu quand même un âge d'or au XXe siècle où, je dirais, dès qu'on se baissait dans un accélérateur de particules, on trouvait une nouvelle particule élémentaire. Dès qu'on mettait l'œil à l'oculaire d'un télescope, on découvrait de nouveaux objets. Les temps sont durs en physique aujourd'hui. Il y a beaucoup de découvertes, mais peu de révolutions. Moi, j'aimerais que nous entrions enfin dans un stade où nous sortons de la corroboration de ce qui est connu pour véritablement nous émerveiller de l'inconnu. Et ça, ce n'est pas exactement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, hélas. 16 octobre 1950, Radio-Télévision française, les causeries de l'abbé Lemaître, que savons-nous de l'univers ? L'utilisation des moyens puissants dont disposent l'astronomie et l'astrophysique moderne ont permis de montrer que notre Terre fait partie d'un vaste système auquel on a donné le nom de galaxie. Il y a aussi, surtout dans la région la plus dense, au centre de la galaxie, une accumulation de nuées obscures ou trous noirs dans le ciel où les étoiles ne peuvent être aperçues. Voilà, l'abbé Lemaître en 1950, je crois que c'est quelqu'un que vous aimez bien. Ah, c'est un homme immense. Vous savez, l'abbé Lemaître est non seulement l'un des inventeurs du modèle du Big Bang, celui qui a quand même véritablement compris dans quelle mesure la théorie d'Einstein permettait de totalement revisiter l'origine de l'univers, mais dans le secteur des trous noirs, c'est aussi le premier qui a, je dirais, senti que ce qui se passait à l'horizon, c'est-à-dire à la surface du trou noir, n'était pas aussi catastrophique que ce qui était cru. En fait, même Einstein, semble-t-il, s'est laissé berner par sa propre théorie, parce que les équations, lorsqu'on les applique aux trous noirs, donnent l'impression que la surface des trous noirs est pathologique. Pathologique, finalement, ça signifie qu'on ne sait pas très bien si les objets n'existent pas, si la théorie elle-même est en défaut. Et c'est l'abbé Lemaître qui a compris qu'en fait, ce n'est qu'un artefact. Il a permis de réécrire les choses d'une manière qui font disparaître ces problèmes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, conciliait une dextérité mathématique extraordinaire avec une vision du monde extrêmement large, très humaniste et quand même très profonde aussi dans sa capacité à conjoindre une grande diversité d'êtres au réel. Et en 70 ans, la technologie a beaucoup évolué quand même. Oui, bien sûr. Je pense que la technologie n'est jamais une fin en soi, mais dans le domaine des sciences dures, elle est évidemment indispensable. Aujourd'hui, les trous noirs, ce ne sont pas seulement des petites épiphanies d'étrangeté, comme ça, ce ne sont pas seulement des équations étranges, ce sont maintenant des objets avec lesquels nous savons cheminer, et nous en avons beaucoup d'indications. On parle de cette photographie qui est remarquable, qui est émouvante et qui est intéressante, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a quelques années, nous avons mesuré des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des petites vibrations de l'espace, qui était issu du regroupement, ce qu'on nomme la coalescence, de deux trous noirs. Ça, c'est une prouesse technologique incroyable, parce que ces ondes sont infimes. On mesure des déplacements sur Terre qui sont plus petits que la taille d'un atome, qui sont de l'ordre du noyau d'un atome. Donc c'est vraiment des choses incroyablement minuscules. On arrive à les mettre en évidence, et grâce à cela, on arrive maintenant à avoir une bien meilleure estimation du nombre de trous noirs, de la masse des trous noirs qui se trouvent dans notre environnement. Donc, l'usage de la technologie ici dépasse un peu, je dirais, la dimension purement technique des contingences quotidiennes, mais permet véritablement de dresser un nouveau visage de l'univers, et un visage qui est quand même très enchanté, parce que ce qu'on observe n'est pas exactement ce qui était prévu, et ça c'est toujours une bonne nouvelle, je pense, pour un scientifique. On écoute Tamino, Versus. Stop singing. Now me into a world where all I have heard sounds on you, and all I am worth depends on you. Come, babe, let love have this evening. Life was not aware of me, and I wasn't aware of life. Now its flames, they warm my heart, they light the path towards her. Has me under her skirt, where she tells me, come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love this evening. Les astrophysiciens habitent sur une planète située à des milliers d'années-lumière de la nôtre. Aurélien Barreau peut concevoir par exemple que dans l'univers, l'espace et le temps n'existent pas. Ce spécialiste des trous noirs s'est émerveillé en février 2016 quand a été annoncée la découverte de signaux mystérieux attendus sur Terre depuis un siècle. Des ondes gravitationnelles se sont manifestées. Il y a un rapport entre les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Les trous noirs sont décrits par la grande théorie d'Einstein, la relativité générale, et c'est également celle-ci qui nous permet de comprendre ce que sont les ondes gravitationnelles. En quelques mots, la grande découverte d'Einstein, c'est non seulement que l'espace et le temps sont courbes, en quelque sorte, mais surtout qu'ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont en évolution. Autrement dit, il faut se départir de l'image kantienne ou newtonienne d'un espace et d'un temps absolu, donné, qui existerait par eux-mêmes et de façon autonome, au profit au contraire d'une vision où l'espace et le temps deviennent des objets physiques comme les autres. Autrement dit, ils sont sujets à évolution. D'ailleurs, c'est cela le sens de l'expansion de l'univers. Quand on parle d'un univers qui grandit, ça ne signifie pas que les galaxies s'éloignent, ça signifie que l'espace lui-même est en train d'enfler. Et les ondes gravitationnelles, ce sont précisément des petites vibrations de l'espace en tant que tel. Je dirais que la lumière qu'on observe par exemple, c'est une vibration, c'est une onde électromagnétique, un champ électrique et un champ magnétique, qui se meuvent dans l'espace. Les ondes gravitationnelles, au contraire, ce sont des ondes d'espace. C'est l'espace lui-même qui entre en mouvement, qui entre en vibration. Et donc, mesurer ces ondes gravitationnelles, c'est un peu réaliser quelque chose du projet de Platon. Vous savez, le philosophe Platon voulait que l'on conçoive ou observe l'univers avec des yeux de géomètre. Eh bien, voilà ce qu'on fait grâce aux ondes gravitationnelles. On observe la géométrie du monde. Et le lien avec les trous noirs est assez évident parce que c'est très dur de tordre et de faire vibrer l'espace-temps. Il faut des événements cataclysmiques. Et les événements les plus catastrophiques que l'on peut imaginer, eh bien, ce sont les regroupements, les coalescences, les fusions de trous noirs. Et ces balais cosmiques autour desquels ou durant lesquels deux trous noirs se tournent l'un autour de l'autre et finissent par se regrouper, vont émettre des quantités colossales d'ondes de gravité et on peut, depuis quelques années, les mesurer de façon directe. Vous avez parlé tout à l'heure de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez vu la photo du trou noir au mois d'avril. Quand vous avez entendu parler de la découverte de ces ondes gravitationnelles, ça vous a fait quoi ? Alors les ondes gravitationnelles, pour être tout à fait précis, ont été découvertes il y a un peu plus de 40 ans. Il y a eu un prix Nobel il y a 20 ans pour cela. Mais ce qui est nouveau, ce qui est contemporain, c'est pas simplement d'avoir la preuve de leur existence ou l'indication de leur existence, c'est plutôt d'être capable de les utiliser pour faire de l'astronomie. Et là, ce qui est formidable et peut-être encore plus émouvant, pour être honnête, c'est que nous disposons en quelque sorte d'un nouveau sens. C'est comme si nous pouvions enfin appréhender l'univers avec une manière de le sentir, de le déterminer, de l'observer, qui est totalement étrangère à ce à quoi nous autres êtres humains, nous autres mammifères vivants, nous sommes habitués, de tout ce dont nous sommes coutumiers. Donc ça, c'est encore plus formidable pour moi, parce qu'on va vers la désanthropocentrisation, c'est-à-dire on va vers la mise à distance de l'immédiateté de notre rapport au monde, et ça je crois que c'est quelque chose qui est magnifique à la fois au niveau scientifique, parce qu'on comprend des choses beaucoup plus fondamentales, radicales et révolutionnaires, mais je trouve que c'est aussi très signifiant au niveau philosophique, parce que ça nous montre à quel point l'univers est diapré, foisonnant, diversifié, et ça c'est peut-être la grande leçon dont il faudrait que nous tirions aujourd'hui les conséquences. Voilà pourquoi on dit que ces ondes gravitationnelles ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. Oui, quand on regarde la lumière qui se propage dans l'univers, il faut aller au-delà du visible. Il faut regarder les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, les rayons gamma, les rayons X, etc. Et à chaque fois qu'on regarde autrement, on voit un nouveau visage de l'univers qui est incommensurable au précédent. On peut aussi utiliser des particules cosmiques, les neutrinos, les rayons cosmiques, etc., qui aussi montrent un nouveau visage. Et là, la nouveauté, c'est que les ondes gravitationnelles viennent rejoindre cette grande famille des médiateurs du cosmos et, à n'en pas douter, sont en train de révéler une nouvelle face du cosmos dans lequel nous nous trouvons. Elle est fascinante, elle est révolutionnaire et elle permet non seulement de comprendre d'autres lois, parce que peut-être il va falloir réviser nos modèles, nous verrons bien, mais aussi de découvrir d'autres objets. Donc je dirais qu'on gagne sur tous les tableaux en enrichissant considérablement la représentation du monde dans lequel nous nous trouvons. C'est assez amusant parce que je vous entends parler de l'univers, des trous noirs, des ondes gravitationnelles, et j'ai l'impression que vous maniez ces concepts comme si je faisais la cuisine. Ah ben je ne sais pas comment vous faites la cuisine, il m'arrive de la faire aussi, mais je pense que effectivement l'enjeu finalement c'est pas seulement de faire des calculs. L'enjeu c'est aussi de réenchanter notre rapport au monde. Et je pense que le message ici, il est bien sûr scientifique, on veut comprendre ce que sont les trous noirs, ce que sont les étoiles à neutrons et les naines blanches, mais quelque part il est aussi philosophique, esthétique et presque éthique, c'est-à-dire qu'il est aussi question de se rendre compte de l'incroyable immensité, diversité, mais aussi fragilité de ce réel qui est autour de nous, et ça bien sûr ça dépasse un peu le problème des équations. Aurélien Barraud, si on passe à côté d'un trou noir, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que la première leçon, c'est qu'un trou noir n'est pas dangereux. Imaginons que le Soleil devienne un trou noir. Alors bien sûr, au bout de quelques minutes, nous n'aurions plus de lumière, nous n'aurions plus de chaleur, et donc nous mourrions de froid. Donc quelque part, ça serait un problème. Mais au-delà de ce détail, eh bien, ça ne serait pas très grave, parce que l'orbite de la Terre ne serait pas modifiée. La gravitation est démocratique. Mmh. Autrement dit, que nous soyons attirés par une étoile ou par un trou noir de même masse, ça ne change strictement rien à la trajectoire de la Terre. Donc, n'ayons pas peur des trous noirs. Il y a un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois la masse du Soleil au centre de notre galaxie. Il n'est pas dangereux, nous ne sommes pas en train de tomber sur lui, nous sommes en train de tourner autour de lui. Ce mouvement est parfaitement stable, il n'y a donc aucune raison de craindre les trous noirs. Ils ne sont pas, contrairement à l'image d'Épinal, des ogres cosmiques qui dévorent tout sur leur passage. 1er janvier 1974, première chaîne de télévision. Charles Fehrenbach, directeur de l'Observatoire de Haute-Provence. Cette attraction, en somme, est extrêmement importante quand on est au voisinage. Il ne faut pas passer trop près d'un trou noir. Ah non, il ne faut pas passer trop près d'un trou noir, ça, c'est, vous êtes aspiré. Mais si vous êtes loin, vous ne risquez rien du tout. Maintenant, ce qui se passerait si vous étiez dedans, alors là, des théoriciens ont fait des fantaisies. Ils ont dit quoi, par exemple ? Ils ont dit, par exemple, que la gravité sera tellement variable que même un homme qui serait placé à l'intérieur, s'il pouvait subsister, certainement il ne pourrait pas subsister, que l'attraction sur sa tête ne serait pas la même que l'attraction sur ses pieds. Il serait écartelé, il se ferait mettre à tourner, c'est extrêmement compliqué. Nous ne le verrons pas, mais il est certain que petit à petit, la matière émise par l'étoile principale va se retrouver à l'intérieur du trou noir. Et à la fin, il n'y aura plus qu'un trou noir et qui ne rayonnera pas. Et alors le grand problème qui se pose pour nous, n'existe-t-il pas en beaucoup d'endroits de l'univers des trous noirs qu'on ne peut pas détecter ? C'était en 1974. Ah, c'est très amusant et c'est assez touchant en fait à entendre. Alors je crois que la première assertion est tout à fait correcte. Hein. Il rappelle que lorsqu'on est loin d'un trou noir, il n'y a absolument pas à le craindre. Et quand on est très proche, bien sûr, eh bien, nous ne sommes pas spécialement aspirés, comme il le mentionne, mais nous sommes attirés comme nous le serions par n'importe quel autre corps céleste. Et bien sûr, ça peut mal finir. Mais ce qui est assez amusant finalement, c'est qu'il évoque les fantaisies des théoriciens dans leurs calculs. Mais ce qu'il évoque là n'est pas du tout une fantaisie, c'est l'effet de marée simplement. Vous savez que la Lune, à cause de la variation du champ gravitationnel, eh bien, induit une petite distorsion de la Terre, et c'est la raison pour laquelle il y a des marées dans nos océans. Eh bien, c'est exactement la même chose avec un trou noir, sauf que comme l'astre est plus compact, l'effet est amplifié. Et en effet, un voyageur imprudent qui plongerait la tête la première sur un trou noir, eh bien, verrait sa tête attirée davantage que ses pieds, par conséquent, son corps serait disloqué par cet effet gravitationnel, et ça pourrait avoir lieu à l'extérieur du trou noir, si le trou noir est très petit, ou à l'intérieur du trou noir, si ce dernier est beaucoup plus massif. 2014, sortie du film Interstellar. Des explorateurs utilisent une faille découverte dans l'espace-temps. Est-ce que... il y a la moindre possibilité, disons, je sais pas, un super moyen peut-être de tous sauter dans un trou noir, de récupérer les années. Gardez vos airs supérieurs. Le temps est relatif, ok ? Il peut s'étirer ou se contracter, mais... en aucun cas, il ne peut faire marche arrière. En aucun cas, non. Et la seule chose qui soit en mesure de traverser les dimensions telles que le temps, eh bien, c'est la gravité. Est-ce que le film Interstellar voit juste ? Ou raconte juste. Alors moi, je dois confesser que j'ai pas été très sensible à ce film au niveau artistique, parce qu'il m'a semblé assez pauvre et caricatural. Néanmoins, au niveau scientifique, tout ce qui a lieu à l'extérieur du trou noir est, semble-t-il, précis, et même si les effets sont amplifiés pour des raisons scénaristiques, naturellement, en particulier ce qui concerne les voyages dans le temps, les voyages dans le futur qui seraient possibles grâce à la gravitation élevée, est effectivement tout à fait correct et tout à fait licite au vu de la physique telle qu'on la connaît, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Ça vous fait rêver, ces voyages dans le futur ? Ça nous fait rêver, mais ça fait partie du quotidien pour un physicien. Vous savez, la relativité restreinte, découverte il y a plus d'un siècle, nous montre que même sans trou noir, même sans gravitation, le simple fait de se déplacer rapidement fait voyager dans le futur. On peut aujourd'hui voyager dans le futur de façon très simple. Dans un accélérateur de particules, par exemple, eh bien, on envoie littéralement des particules dans leur futur, puisque lorsqu'il se passe une fraction de seconde pour elles, il peut se passer un temps très considérable dans l'univers extérieur. Donc cette plasticité du temps est quelque chose qui est étrange intuitivement, mais qui est très bien connu, très bien compris, et qui ne pose plus la moindre question en physique théorique depuis un peu plus d'un siècle maintenant. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí. Deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos seu futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. C'était Seo George, Life on Mars. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Les trous noirs sont pour les astrophysiciens comme des phares. Ils permettent aux scientifiques de mieux explorer l'univers. Comme on ne sait pas ce qu'ils contiennent, ils permettent aussi d'imaginer les choses les plus folles. Et si, dans les trous noirs, se cachaient d'autres univers? Et s'ils gardaient l'empreinte de dimensions supplémentaires? Aurélien Barreau, astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS à Grenoble. Ce qui me semble tout à fait merveilleux aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette photographie par des radiotélescopes, au-delà de ces ondes gravitationnelles que nous avons évoquées, il y a d'autres moyens encore de compréhension et d'observation des trous noirs. Et ça, c'est magnifique parce que ça signifie que ces objets tellement étranges, qui défient tellement notre imaginaire, qui poussent à son paroxysme, nos théories peuvent être appréhendées par beaucoup de moyens différents. Et en particulier, on peut utiliser tout ce rayonnement émis au voisinage des trous noirs. Alors ça paraît un peu paradoxal, parce que, nous le disions tout à l'heure, par définition, rien ne peut sortir d'un trou noir. Et pourtant, en dépit de cette assertion qui est tout à fait correcte, les trous noirs sont vraisemblablement les objets les plus lumineux de l'univers. Pourquoi ? Eh bien sûr, cette lumière ne vient pas de l'intérieur du trou noir, ce qui est interdit par la définition même de l'horizon, mais cette lumière vient de l'environnement du trou noir. Ces objets sont tellement énergétiques qu'ils accrètent, ils attirent de la matière, et en tombant sur le trou noir, la matière entre en friction avec elle-même, et ces phénomènes vont induire l'émission d'une quantité colossale d'énergie qui est mesurable et qui nous permet de comprendre ce qui advient au voisinage de ces objets fascinants. Qu'est-ce que vous avez déjà compris ? Je pense que nous avons déjà compris le rôle structurant des trous noirs dans la formation des galaxies, et ça rejoint peut-être ce que nous disions tout à l'heure, il ne faut pas les craindre, ils sont plutôt utiles à l'émergence de ces îlots d'existence finalement, mais en contrepoint, beaucoup reste à découvrir, en particulier sur l'existence de ces trous noirs très massifs. Le trou noir qui a été photographié récemment présente une masse de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, et ça on ne comprend pas très bien comment c'est possible. Parce que le scénario, pourrait-on dire, privilégié de formation des trous noirs, c'est l'implosion des étoiles. Mais les étoiles ne peuvent pas être aussi lourdes que cela. Les étoiles font typiquement quelques centaines ou milliers de fois la masse du Soleil. Donc comment créer un trou noir qui fait des milliards de fois la masse du Soleil? Le scénario usuel, c'est que plusieurs petits trous noirs entrent en collision les uns avec les autres et forment des très gros trous noirs. Mais aujourd'hui, les calculs ne permettent pas d'expliquer de façon tout à fait cohérente l'existence de ces monstres. Et donc, il y a encore beaucoup à comprendre et il faut développer ces moyens d'observation, non seulement de la matière, comme nous le disions, qui tombe dans le trou noir, mais aussi de ces jets de particules. Parce que les champs magnétiques au voisinage des trous noirs induisent l'émission de particules ultra-énergétiques, très collimatées, c'est ce qu'on appelle des quasars, et ces quasars, on peut les voir presque à l'autre bout de l'univers observable. Donc les trous noirs, non seulement ils sont fascinants en tant que tels, mais ils constituent aussi en quelque sorte des phares de l'univers, des espèces de jalons comme ça, qui permettent à l'astronome de voir extrêmement loin, donc non seulement pour les comprendre en tant que tels, mais aussi pour comprendre la structure de l'univers aux très grandes échelles. 18 avril 1973, France Culture. L'astrophysicien Jean-Claude Pecker. L'intérieur d'un trou noir et l'extérieur d'un trou noir sont deux mondes entièrement fermés l'un à l'autre. On peut disserter philosophiquement sur cela et on peut même certainement faire de la très belle science-fiction à partir des trous noirs. On se demande justement si une idée philosophique n'aurait pas influencé ceux qui ont eu cette conception. Oh, il est hors de doute que dans toutes les conceptions de l'univers, presque tous les astronomes qui se sont attachés à construire des modèles avaient en tête des idées de caractère presque métaphysique. Je veux dire qu'on est obligé, pour certaines raisons, on se demande si on n'a pas perdu de la masse, mais la mettre sous forme de trou noir, c'est presque mettre un objet métaphysique dans l'univers. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien Barrault? Oui, c'est encore un texte intéressant, je trouve. Alors, c'est pas tout à fait vrai, quand même, que l'intérieur et l'extérieur d'un trou noir sont hétérogènes ou fermés l'un à l'autre. Le voyage est impossible dans un sens. Certes, on ne peut pas aller de l'intérieur vers l'extérieur, mais on peut aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est pas une cloison infranchissable. C'est plutôt ce qu'on nommerait une cloison hémiperméable. C'est-à-dire qu'elle peut être traversée dans un seul sens. Donc, c'est pas tout à fait fermé, contrairement à ce qu'il propose. Mais je suis assez d'accord avec cette belle évocation des astres métaphysiques, en quelque sorte, qui viendraient peupler l'univers, à cette nuance près qu'ils ne sont pas invités ou inventés par goût de l'étrange, mais qu'ils sont quand même une résultante presque inévitable de nos équations, d'une part, et maintenant également de nos observations. Alors, certains scientifiques imaginent des univers à l'intérieur des trous noirs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là encore, c'est une idée qui est un peu philosophique, qui est un peu délirante d'ailleurs également, mais qui pourtant a quelques assises scientifiques raisonnables. Alors il y a plusieurs manières de faire fonctionner cette belle proposition. La première consiste à réfléchir sur la taille d'un trou noir, et ça c'est très intéressant. Quand on le regarde depuis l'extérieur, un trou noir c'est petit. Typiquement, un trou noir qui aurait la masse du Soleil ne ferait que quelques kilomètres de diamètre, hein, alors que le diamètre du Soleil est supérieur à 1 000 000 km, donc ça serait infiniment plus petit que le Soleil. Alors on se dit quel est le volume à l'intérieur. Bah on a tous appris à l'école hein, que si on a une sphère de rayon grand R, eh bien le volume dans la sphère c'est 4 tiers de pi R cube. Donc si R est de l'ordre du kilomètre, eh bien le volume est de l'ordre du kilomètre cube. Eh bien ça c'est faux pour un trou noir, figurez-vous. C'est faux pour un trou noir et le volume interne d'un trou noir peut être plus grand que l'univers observable, même si son volume vu depuis l'extérieur est de l'ordre d'un kilomètre. Donc ça paraît tout à fait incroyable, ça défie l'imagination, mais c'est une prédiction très claire de la théorie d'Einstein. Ce n'est pas de la science exotiques, hein, ce ne sont pas des dimensions supplémentaires, ce ne sont pas des cordes, ce ne sont pas des objets extrêmement spéculatifs, c'est une application directe de ce qu'on sait. Donc déjà en ce sens, c'est pas tout à fait stupide de penser que les trous noirs pourraient être des bébés univers, des univers en gestation, pour la simple raison qu'ils contiennent un volume considérable si on attend suffisamment longtemps. Les trous noirs sont dynamiques en quelque sorte, hein. Le volume à l'intérieur ne fait que croître, même si la taille extérieure est constante. Donc ça c'est étrange, mais c'est vrai. Autant qu'on peut en juger, bien sûr, avec des outils théoriques. Puis il y a une deuxième façon de le comprendre, c'est avec les trous noirs en rotation. Parce que la plupart des trous noirs, et même la totalité des trous noirs qui existent, ceux qui ne sont pas des objets sur nos livres ou nos écrans d'ordinateur, mais qui sont dans le vrai monde, ont une petite vitesse angulaire. Ils sont en train de tourner sur eux-mêmes, exactement comme la Terre tourne sur elle-même, comme la Lune tourne sur elle-même, comme le Soleil tourne sur lui-même, tous les astres tournent à une certaine vitesse sur eux-mêmes. Et cette petite rotation, eh bien, elle change tout. Et en particulier, elle a pour conséquence que l'espace à l'intérieur d'un trou noir semble contenir un multivers, c'est-à-dire une infinité d'univers qui sont possiblement accessibles. Alors, faut être très clair et très prudent, il est tout à fait possible, voire probable, qu'il s'agisse d'un artefact mathématique. Hein, c'est quelque chose qui n'a évidemment pas été vérifié expérimentalement, et c'est peut-être simplement une étrangeté de nos équations, à mon sens, c'est même le plus probable. Mais c'est quand même intéressant de le prendre au sérieux et de se demander quelle pourrait être la véridicité de ces univers multiples cachés dans les trous noirs en rotation. Au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je crois que les choses sont toujours plus étranges, plus riches et plus diversifiées que ce que l'on croyait a priori. Vraisemblablement, aujourd'hui, nos modèles exotiques sont faux, mais vraisemblablement, la nature est encore plus étrange que ce que nos modèles les plus débridés nous laissent entrevoir. On écoutait l'épée qui chantait Dreams. Les aventuriers sur France Inter. Aurélien Barraud, astrophysicien, spécialiste de la relativité générale, des astroparticules et des trous noirs, est un grand explorateur de l'univers qui s'intéresse aussi beaucoup à la planète sur laquelle il se réveille tous les matins, la Terre. Il pense que s'il y a de la vie ailleurs, celle que nous connaissons est unique et nous n'en prenons pas assez soin. Avant d'atterrir, Aurélien Barraud nous propose maintenant une petite balade cosmologique. Au commencement, peut-être n'y avait-il ni temps ni espace, simplement une mousse de cordes ou de boucles. Rapidement, l'espace et le temps apparaissent, les forces fondamentales également. L'univers passe par une phase d'inflation démesurée, toutes les distances sont décuplées, les particules élémentaires telles qu'on les connaît se structurent, bientôt les noyaux d'atomes, les atomes eux-mêmes, et puis les premières structures, le gaz interstellaire, les planètes, les étoiles, les trous noirs, et bientôt la complexité, peut-être la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, ce scénario n'est pas certain, mais c'est l'une des moins mauvaises hypothèses que l'on puisse faire sur l'origine de notre monde. Et aujourd'hui, nous tentons de le raffiner, quoique bien sûr, il demeure encore de grandes zones d'ombre. Et le Big Bang, c'est-à-dire l'instant primordial, primitif, en tant que tel, reste naturellement une question ouverte. Et il y a dans l'univers énormément de choses qu'on ne peut pas voir. Ça, c'est très important et c'est une très grande leçon d'humilité. Ce à quoi nos yeux sont sensibles est une part infime, totalement dérisoire de ce qui existe dans notre environnement. On le voit en astrophysique. Bien sûr, l'essentiel n'est pas visible, mais on le voit aussi en biologie. Avant que nous ayons tout détruit par notre comportement irresponsable, nous sommes en train de découvrir des formes de vie extraordinaires qui n'avaient pas même été soupçonnées. Fort heureusement, il y a une richesse qui est insoupçonnée. 20 février 1949, Radio-Télévision française. Qu'est-ce que le vide spatial ? Paul Couder, professeur à l'École Polytechnique. Quand on s'éloigne d'une étoile et de son système de planètes, on aborde le milieu qu'on appelle le vide interstellaire. Et l'observation des étoiles lointaines a permis aux astronomes d'évaluer la quantité de matière qui reste dans ce vide excellent. Je m'excuse, mais je vous suis assez mal. À une distance aussi lointaine, comment a-t-on pu compter, comment a-t-on pu évaluer que dans tel ou tel cubage, il restait tant ou tant de molécules? Eh bien, quand la lumière nous parvient d'une étoile très lointaine, cette lumière a cheminé à travers le prétendu vide interstellaire. Et s'il y a de la matière dans ce prétendu vide, cette matière absorbe certaines longueurs d'onde de la lumière qui nous donne le témoignage de la présence de quantités de matière entre l'étoile et nous. J'adore cette archive. Oui, elle est très belle. Et quel bel accent, quelle belle manière de parler. Peut-être la radio a-t-elle perdu un peu de sa magie, non ? Pas toujours. Non, pas toujours, heureusement. Ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils ne penseront pas ça. Depuis 1949, les scientifiques ont fait de grandes découvertes, mais beaucoup de choses sont encore à découvrir. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, découvrir, Aurélien Barraud ? Alors la vraie réponse, c'est que j'aimerais découvrir ce que je ne sais même pas imaginer. Ça serait une révolution. Mais enfin, ne rêvons pas, c'est relativement peu probable. Dans les choses plus accessibles, quoique encore extraordinairement difficiles, moi j'aimerais contribuer infimement, hein, naturellement, parce que beaucoup de gens beaucoup plus brillants que moi s'intéressent à cette question, mais à une meilleure compréhension de ce qu'on nomme la gravitation quantique. La gravitation quantique, c'est un des graals de la physique, parce que nous avons d'une part la gravité, c'est-à-dire la relativité générale, c'est-à-dire la compréhension de l'espace-temps qui est due à Albert Einstein et qui fonctionne relativement bien et même extraordinairement bien pour décrire l'univers à grande échelle, pour décrire les étoiles, pour décrire les galaxies, pour décrire le cosmos et pour décrire les trous noirs. Et puis d'autre part, nous avons cette science quantique qui, elle, fonctionne magnifiquement pour décrire le monde des particules élémentaires, des quarks, des atomes, des molécules, etc. Mais le problème, c'est que ces deux grandes théories sont inconciliables, elles ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Et là où les trous noirs sont précisément fascinant, c'est qu'il nous oblige à utiliser les deux théories en même temps. En particulier, les petits trous noirs, ceux que nous évoquions tout à l'heure, qui s'évaporent par effet Hawking, requièrent une description qui est à la fois relativiste, donc côté Einstein, et à la fois quantique, donc côté Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Dirac, etc. Donc là, on ne peut plus être schizophrène, c'est-à-dire on ne peut plus choisir seulement la théorie qui nous convient, on est obligé d'utiliser les deux. Mais on ne sait pas utiliser les deux parce qu'elles sont auto-contradictoires. C'est la raison pour laquelle, depuis 100 ans, les plus grands esprits de la physique tentent d'élaborer une théorie dite de gravitation quantique qui permet de concilier ces deux piliers ou pilastres de la science contemporaine. Et jusqu'à maintenant, nous n'y arrivons pas, en tout cas pas de manière consensuelle. Donc ce que vous aimeriez, c'est qu'on réussisse à faire le pont entre ces deux théories, c'est ça ? Oui, c'est que nous réussissions, je dirais pas forcément à faire œuvre d'unification, parce que je crois que l'unité relève davantage d'un fantasme métaphysique ou théologique, mais en tout cas à faire œuvre de cohérence. Aujourd'hui, notre physique n'est pas cohérente. Et je pense que les trous noirs peuvent servir de guide, parce que, vous savez, les problèmes, les pierres d'achoppement, les apories, c'est-à-dire les incomplétudes ou incompréhensions, c'est précisément ce à partir de quoi on peut construire en physique théorique. Et pour cette raison, les trous noirs sont extrêmement précieux parce qu'ils, justement, ils posent des problèmes. Et un des problèmes les plus clairs, c'est peut-être le paradoxe de l'entropie. Vous savez, l'entropie, c'est une mesure du désordre en science. Et on sait, grâce à la thermodynamique, que les trous noirs sont les objets les plus entropiques de l'univers, c'est-à-dire les plus désordonnés de l'univers. Mais en parallèle, on sait grâce à la relativité qu'ils sont les objets les plus simples de l'univers. Un trou noir est plus simple qu'une particule élémentaire, c'est incroyable. Et là, on voit bien sûr qu'il y a paradoxe. On ne peut pas être à la fois très simple et très désordonné. Et la compréhension de ce type de problème, qui est lié à ce qu'on appelle aussi le paradoxe de l'information. Le paradoxe de l'information, c'est le fait que pour tout processus physique, on peut imaginer un processus inverse. Vous savez, si une bombe explose, évidemment, concrètement, on ne sera pas capable de reconstituer, hélas, tout ce qui se trouvait avant l'explosion. Mais en théorie, on pourrait imaginer le faire. La formation d'un trou noir, c'est le seul processus physique pour lequel il n'y a pas d'inverse. Comme on ne peut pas ressortir de l'horizon, il n'est pas même envisageable de déconstruire, en quelque sorte, l'implosion en trou noir. C'est un autre paradoxe de la physique théorique. Et la compréhension de ces paradoxes, on a aujourd'hui de très bonnes raisons de croire qu'elle passera par l'élaboration d'une théorie de gravitation quantique. Aurélien Barreau, il y a beaucoup de mystères dans l'univers. Quels sont les grands mystères pour lesquels il n'y a pas de réponse et sur lesquels travaillent les astrophysiciens comme vous ? Alors en effet, notre compréhension du cosmos est très bonne. Nous sommes capables de relater l'histoire de l'univers entre pratiquement un milliardième de milliardième de milliardième de seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Mais en contrepoint de ces succès, il y a des problèmes. Il y a la matière noire, c'est-à-dire le fait que l'essentiel de la masse est de nature inconnue, ce qui est quand même pas tout à fait un détail. Il y a l'énergie noire. Autrement dit, le fait que l'univers actuellement est en train d'accélérer alors que nous nous attendons à ce que son expansion soit au contraire décélérée. Il y a le problème de l'antimatière. Les lois de la physique prédisent que nous aurions dû former pratiquement autant de matière que d'antimatière au commencement et pourtant, il semble bien y avoir presque que de la matière dans notre environnement. Et puis, il y a le problème qui m'intéresse le plus à titre personnel, c'est celui des singularités. Les singularités, ce sont des pathologies, ce sont des divergences, ce sont précisément des lieux, ou bien des temps d'ailleurs, auxquels nos modèles ne fonctionnent plus. Et les deux singularités les plus importantes pour moi, c'est le cœur des trous noirs et le Big Bang, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Et il est vraisemblable que lorsque l'on aura résolu l'un de ces deux paradoxes, nous aurons en réalité résolu l'autre. Comprendre les cœurs des trous noirs, c'est une question qui est très voisine de celle qui consiste à comprendre l'origine du cosmos. Vous pensez vraiment qu'un jour on aura une réponse à cette question ? Je ne pense pas qu'on aura une réponse à la question du pourquoi, la question de Leibniz, qui est d'ailleurs aussi celle de Heidegger. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, ne relève pas de la pensée scientifique, et quand bien même il y aura une réponse, il y aura toujours une méta-question, pourquoi cette théorie et pas une autre. Donc je ne pense absolument pas que nous aurons un jour réponse à toutes les questions, je crois même que c'est structurellement impossible, compte tenu du fonctionnement de la science. Mais je pense que nous pouvons parfaitement avoir, même à relativement court terme, une réponse à la question qu'y a-t-il au centre du trou noir, ou y a-t-il réellement eu un commencement à l'univers ? peut-être en fait ce que nous appelons Big Bang n'est-il en réalité qu'un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond, et qu'une phase de contraction du cosmos a précédé l'actuelle phase d'expansion? Ça, ce sont des questions délicates, mais j'ai espoir que d'ici quelques décennies, nous puissions avoir des éléments de réponse tangibles. Et pour vous, la Terre dans tout ça, quelle est sa place ? À la Terre, c'est la grande catastrophe, parce que quand même, malgré la découverte de beaucoup d'exoplanètes, aujourd'hui tout laisse penser que notre astre est unique, qu'il est singulier, qu'il est évidemment précieux, et après tout, quand bien même il y aurait d'autres planètes habitées, peu importe, ce qui compte ce sont nos amis, ce sont nos oiseaux, ce sont nos enfants, et nous sommes en train de la saccager, nous sommes en train de la détruire avec une hargne froide qui est tout à fait inconséquente. Le comportement que nous avons aujourd'hui relève littéralement d'un crime contre l'avenir et d'un crime contre la vie. C'est une question essentielle. Nous n'avons pas le courage d'y faire face. Nous nous entêtons dans une religion mortifère de la croissance qui va littéralement détruire la vie sur Terre. Et ça, c'est infiniment triste. C'est vrai que la Terre se porte mal et a un destin qui semble sombre, mais on peut quand même continuer à s'émerveiller devant l'univers. Je pense que l'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au réel, au monde, au cosmos, à la nature et à la vie. C'est-à-dire que le défi aujourd'hui, il est immense. On peut tout perdre, c'est finalement le plus probable si on est rationnel, mais on peut aussi tout gagner, c'est-à-dire qu'on peut à la fois repenser intégralement ce qu'on attend de notre perception directe de la nature, de l'univers, de la science, des autres, c'est-à-dire en fait développer un nouveau pacte avec le vivant. Ce n'est pas directement une question de physique théorique, naturellement, mais la physique joue à la marge en tant qu'elle montre l'incroyable diversité du réel et qu'elle souligne également une forme de fragilité du réel. Il y a une contingence, les choses pourraient être autres. Nous avons en quelque sorte la chance de vivre dans un monde incroyablement riche et diversifié. Peut-être faut-il commencer à essayer de s'en souvenir. Aurélien Barrault est l'auteur de nombreux ouvrages, les derniers, Trous noirs et étoiles en rebond chez Bayard Éditions, Big Bang et au-delà, les nouveaux horizons de l'univers chez Dunod. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Au programme, la semaine prochaine, un beau voyage dans le futur en compagnie des robots. Nous serons avec Rodolphe Gélin samedi et dimanche. Le monde qui nous attend avec l'hyperpuissance de l'informatique et que nous racontera Gérard Berry de l'Académie des sciences. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À la semaine prochaine.